الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes arrivés au 21e dars, 21e dars de cette série de leçons sur l'itqan de l'imam Suyuti, et le deuxième dars sous ce nouveau chapitre, le troisième chapitre qui est le chapitre de Tadwin du Coran, hein, de l'enregistrement de la réunion du Coran. La dernière fois, nous avons parlé de la sourate, la définition de la sourate, l'étymologie, et nous avons parlé des noms des sourates. Et nous sommes arrêtés sur la sourate Al-Mujadala, que nous avons dit qu'elle s'appelle dans, surat, dans le Mus'haf d'Ubay ibn Ka'b, elle s'appelle la sourate Zihar. Nous avons expliqué ce que ça veut dire, le Zihar, hein, serment, hein, c'est le fait de prononcer la formule suivante, dire à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère, c'est-à-dire une femme as-tu jamais interdite. Cette sourate parle de cet anathème-là. Nous allons citer d'autres sourates. Il y a des sourates comme Surat Hud, Al-Waqi'a, c'est-à-dire que c'est le prophète sallam qui les a appelés. Ça repose sur un enseignement divin, c'est-à-dire que c'est la révélation qui a déterminé le nom de ces sourates-là. Hadith Abu Bakr radiallahu anhu a dit au prophète sallam, il a dit, tes cheveux ont blanchi. Et le prophète sallam a dit, qala shibta ya Rasulallah, qala shayyabatni Hudun. والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. Il a dit que des sourates, c'est la sourate Hud qui a fait blanchir mes cheveux. C'est sourate Hud et la sourate Al-Waqi'a, sourate Al-Mursalat, عما يتساءلون وإذا الشمس كورت. Ça s'est rapporté par Tirmidhi. C'est un hadith authentique qu'on le trouve dans Sahih Al-Jami'. Donc c'est le prophète sallam qui les a appelés. La sourate Al-Hashr, l'exode, la sourate Al-Hashr, le Bukhari rapporte selon Saïd ibn Jubair que celui-ci a dit à Ibn Abbas, il a interrogé Ibn Abbas au sujet de la sourate Al-Hashr, et Ibn Abbas il a répondu, c'est la sourate des Banu Nadir. Qala sourate Banu Nadir. C'est-à-dire, la sourate, il parle de l'expulsion des juifs de Banu Nadir qui ont comploté, quand ils ont comploté pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, j'en ai parlé dans la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la sourate Al-Hashr, elle a été révélée à ce sujet où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des gens du livre, « Huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitabi min diyarihim li awwal al-Hashr » c'est lui qui a chassé de leur demeure les mécréants parmi les gens du livre, hein, lors de leur premier exode. Il raconte à Allah subhanahu wa ta'ala cette histoire-là, cette histoire de Banu Nadir. Il faut revenir à la sira pour ça. Surat al-Mumtahana. Surat al-Mumtahana. Al-Mumtahana, ça veut dire l'éprouvée. Celle qui est éprouvée. Hein? Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit que le mashhour fi hadi tasmiya annaha bi fath al-ha. C'est-à-dire al-Mumtahana. Al-Mumtahana. Wa qad tuksar. Al-Mumtahana. Il s'appelle al-Mumtahana. Ça veut dire la femme qui est éprouvée. Allusion à Sabi'a al-Aslamiya et d'autres femmes qui ont fui la Mecque. Ça, c'est après quand le prophète sallam a fait le pacte de l'Hudaybiyah, la trêve de l'Hudaybiyah. Des femmes ont fui la Mecque et ont rejoint les femmes croyantes, ont fui la Mecque et ont fui leurs maris qui sont mécréants et ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et le prophète sallam les a interrogés, est-ce que vous êtes croyante, et il leur a demandé de lui prêter serment d'allégeance. Surat al-Mumtahana, il parle de cette histoire-là, où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne faut pas rendre ces femmes à leur mari, hein, parce que leurs maris sont des mécréants, sont des mouchriquins, des associateurs. Donc, le Mumtahana, ça veut dire la femme qui est éprouvée, c'est-à-dire les femmes auxquelles le professeur a posé des questions, est-ce qu'elles sont vraiment croyantes, ou le Mumtahina, et là, c'est une voie active, c'est le nom à la voix active, que c'est la sourate qui éprouve les femmes, d'accord. Donc al-mumtahina ou al-mumtahana. Sourate al-saf, la sourate al-saf, le rang, elle s'appelle sourate al-hawariyin, c'est-à-dire la sourate les hawariyin, les auxiliaires. Al-hawariyin, c'est allusion aux auxiliaires de surtout de Isa alayhi salam. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansar Allah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Jésus fils de Marie a dit aux hawariyin qui sont ceux qui vont me soutenir pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hawariyin, on peut l'appeler apôtre ou auxiliaire. Sourate Saf. Sourate Talaq, sourate la répudiation. La sourate la répudiation, elle s'appelle la sourate سورة النساء القصرى. سورة النساء القصرى. ابن مسعود كي لابل سورة النساء القصرى. Ça c'est dans le hadith de Bukhari. C'est la sourate courte des femmes. Il y a la sourate les femmes, النساء longue. Et la sourate courte des femmes, c'est سورة الطلاق. سورة تبارك. سورة تبارك. On l'appelle aussi tout ça sourate al-Munjiya. Al-Munjiya, ça veut dire celle qui sauve. Et sourate Tabarak, le professeur Salam, il ne dormait qu'après avoir récité Sajda et sourate Tabarak. Alif Lam Mim, Sajda, la prosternation. Alif Lam Mim, Tanzilu al-Kitab ila rayba fihi min Rabbil Alamin. Et Tabarak, Tabarak al-Ladhi biyadihi al-Mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni soit celui qui détient la royauté et qui est omnipotent. Le professeur Salam ne dormait qu'après avoir récité ces deux sourates. Ce hadith se trouve dans les sunnahs de Tirmidhi et les sahih. Le Cheikh Al-Bani le qualifie d'authentique. Et comme une sourate porte un nom, plusieurs noms de toute façon, un nom en général, on trouve aussi que plusieurs sourates portent un seul nom. C'est-à-dire des ensembles, si vous voulez. Le but de ces noms, c'est de rappeler les points communs entre ces sourates-là. Dans le livre Jamal al-Qurra wa Kamal al-Iqra de l'imam al-Sakhawi, Muhammad Ali ibn Muhammad al-Sakhawi, il a dit certains pieux prédécesseurs disaient, c'est salaf, il disait dans le Coran il y a des terrains vastes. Il a dit fil le Coran mayadin wa basatin wa maqasir wa ara'is wa dababij wa riyad. Dans le Coran il y a des terrains vastes, des champs, basatin, un wamaqasir, c'est des maisons larges et fortifiées, et ara'is, ara'is ça veut dire aros, ça veut dire marié, ou on peut les appeler fées, les fées du Coran, wadababij, c'est-à-dire du brocart, des vêtements de brocart, des parures de brocart, wariyat, ça veut dire des jardins. Ils ont dit que Mayadin le Coran maftutih bi alif lam mim. Il a dit les terrains, les vastes terrains du Coran sont les alif, ceux qui commencent par alif lam mim. Sont ceux qui commencent par alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه alif lam mim Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum nazala alayka al-kitab sourate al-Imran. Bon, ce sont des sourates qu'on appelle Mayadin. Et les basatin, les champs, il a dit basatin al-muftatih بألف لام راء اللواميم الرائية. يعني les chants du Coran sont les sourates qui commencent par ألف لام راء. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. Les sourates qui commencent par ألف لام راء. Les grands maqasir ومقاصيره الحامدات. Les grandes maisons fortifiées sont les حامدات. Ça veut dire celles qui commencent par الحمد. الحمد. سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. سورة وانكوخ سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. Et Alhamdulillah fatir al-samawati wal-ard ja'ali al-malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Surat fatir, 5 surat al-hamidat. Wa dayabijuhu alu hamim. Dayabit, c'est-à-dire les parures les de brocart du Coran sont les hawamim, c'est-à-dire les sourates qui commencent par hamim, ça veut dire ghafir, fussilat, shura, zukhruf, l'angélivir, dukhan, la fumée, le jassiya, et l'ahqaf. وَرِيَادُهُ الْمُفَصَّلِ Riyad, c'est le mufassal. Le mufassal, c'est le fragmenté, c'est-à-dire les sourates courtes. Les sourates courtes. Et ils ont dit, selon certaines sources, les jardins du Coran sont les tawassim et les tawassin. Ça veut dire quoi, les tawassim et les tawassin? Les tawassim et les tawassin, ça veut dire celles qui commencent par tawassimim et tawassin. Tawassimim, c'est shu'ara et le qasas. Tasim, تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق وفرعون بالحق لقوم يؤمنون الشعراء تاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين تواسيم تاسين c'est سورة النمل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين سورة الفورمي ils ont dit العرائس هي المسبحات ça veut dire les feuilles sont les sourates qui commencent par le tasbih العرائس عروس ça veut dire marié jeune marié elles sont en nombre de 7 المسبحات المسبحات العرباد بن سارية رضي الله عنه يدي البروفيت صلى الله عليه وسلم من دورمي كابريز افوار ريسيتي لي مسبحات اي il disait il y a dans ces sourates un verset qui est plus méritoire que mille versets فيها آية خير من ألف آية c'est un hadith rapporté par الترمذي فيها آية خير من ألف آية il y a dans ces versets dans ces sourates un verset qui est plus méritoire que mille versets ben certains savants ont dit qu'il s'agit du verset لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله hein, si nous avons fait descendre ce Coran sur une montagne tu la verras hein, s'humilier ou s'affaisser et se fondre par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala سورة الحشر صح كور المسبحات المسبحات اسم الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى transcendance de celui qui a fait voyager son serviteur de la masjid al-haram al-ka'ba à masjid al-aqsa de Jérusalem إسراء الحديد سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحشر الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم سورة الحشر سورة الحشر سورة 59 سورة الصف باغي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس سورة الجمعة سورة فوندردي le vendredi surat al-taghabun yusabbihu lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ardh comme ça qu'elle commence surat al-taghabun et surat al-a'la sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fa sawwa donc ça on les appelle les musabbihat quelles sont les sagesses sous-jacentes à la division du Coran en surat hikma taqsim taswir hikam al-taswir Ben, l'une des sagesses est une sagesse éducative. C'est-à-dire la gradation dans l'éducation. Hein? En allant du plus simple au compliqué. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ » Soyez plutôt des maîtres dans la voie du Seigneur, رَبَّانِيُونَ, hein, de par ce que vous enseignez du livre et de par ce que vous étudiez. Surat Al-Imran. Rabbaniyun vient de la tarbiya qui signifie éduquer, initier. Comme a dit Ibn Abbas, Yurabbun abisigar il ilmi qabla kibarihi. Ibn Abbas il a expliqué comme ça ce verset. Il a dit ceux qui éduquent en enseignant les questions simples du ilm avant les questions compliquées. Donc la gradation dans l'apprentissage. La gradation dans l'apprentissage des enfants, par exemple. On commence par les sourates courtes et on avance petit à petit jusqu'aux sourates longues. Parce que l'un des objectifs du Coran, c'est son apprentissage par cœur, sa mémorisation. Le taswir, la division du Coran aux sourates, donne au texte coranique une structure qui facilite son apprentissage. S'il était un seul texte, un texte compact, ben, il sera difficile de l'apprendre. N'est-ce pas ? Autre sagesse, c'est une question de présentation. Hein? C'est un livre avec ses sections et chapitres. Hein? Un livre qui est bien divisé avec ses chapitres, hein? il est beau à voir, il donne envie de lire. Le Coran, il a ses propres versets, ses propres sourates, ses azab, ses parties, et même ses sourates se closent dans des ensembles, comme j'ai dit tout à l'heure, le musabbihat, le hamidat, l'awamim, le hawamim, tawasim, d'accord ? Dans des ensembles. Cette division, et ça donne une belle présentation au livre. Autre sagesse, c'est quand l'élève apprend une sourate, il sent intérieurement qu'il a appris une partie indépendante du livre d'Allah. Une partie qui a ses propres caractéristiques, sa propre introduction, sa propre conclusion, ses propres thèmes. Ce qui fait que la valeur de cette sourate grandit dans son cœur. Et il veillera à l'entretenir, à prendre soin de cette sourate-là et à ne pas l'oublier, voire à la méditer. Et à chercher l'explication de ces éléments, de ce qui est ambigu. Et l'enfant, par exemple, il dit « Ah, j'ai appris la sourate Sabbih. J'ai appris « Amma yata sa'aloun » Ça le motive. Ça le motive. Le taswir, ça t'encourage à apprendre encore plus. C'est-à-dire apprendre encore plus le Coran. Tu apprends une sourate, tu as déjà franchi une étape. Tu passes par l'étape suivante. C'est comme le voyageur. Pour ne pas se lasser, il partage son trajet. Il y a des stations, il s'arrête. Donc les 6 stations sont des sourates dans l'apprentissage. Hein? Tu termines une sourate, c'est comme si tu venais de quitter un jardin avec ses fleurs, ses arbres, ses plantes, ses ruisseaux, et tu as hâte de commencer une autre sourate pour découvrir un autre jardin, aussi beau que le précédent. Mais il est différent. Hein? Tu te promènes et ton esprit demeure frais. Hein? Tu ne te lasses pas, surtout avec la méditation. Hein? Et même dans une même sourate, il y a une diversité, histoires différentes, des prescriptions différentes, des thèmes différents, et tu passes d'une prescription à une autre, ou tu passes d'une prescription à une parabole, à une histoire. Donc tu ne te lasses pas. Et l'une des sagesses aussi, que la longueur n'est pas une condition dans le défi ou de la précédence du Coran. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a défié les hommes de produire une sourate semblable au Coran. Que cette sourate soit longue ou courte, c'est pareil. C'est-à-dire n'importe quelle sourate, quelle que soit cette sourate-là. Que ce soit le Baqara ou même sourate le Kawthar. Ça, c'est l'une des sagesses du taswir. L'une des sagesses du taswir, de la division du Coran en sourate, c'est la mise en évidence du style de chaque sourate. Ses subtilités rhétoriques, etc. Hein, la sourate Yusuf, elle parle de l'histoire de Yusuf, elle commence par le rêve prémonitoire de Yusuf, et se termine par la réalisation de ce rêve. La sourate Tauba, elle parle, la dénonciation des hypocrites, Nisa sur le droit des femmes, etc. Bon. Voilà. Et ça, Suyuti, il en parle dans le 19e chapitre de son Itqan, structure du Coran, nombre des versets. Nous allons passer, inchallah, au nombre des sourates. Le nombre de sourates. Le nombre de sourates du Coran est 114. Certains pieux prédécesseurs recensent 113. Abu Rawq et Mujahid ibn Jabr, le disciple d'Ibn Abbas, ils comptent 113. Ce khilaf, qui est en fait un apparent khilaf, est dû à quoi? Il est dû au fait, c'est ça, la sourate Al-Anfal et la sourate Al-Bara'a, sourate Tawba, constituent une seule sourate. Et la divergence n'est pas sur la place de la sourate Bara'a, sourate Tawba, sourate 9, mais sur le fait si elle fait partie de la sourate Al-Anfal ou non. Et comme a dit Suyuti, le nombre de sourates est de 114 d'après la recension, donc d'après le consul Ijma' de المعتبر اجماع العلماء المعتبر دي سافون كي فون اوتوريتي 114 لا سوره التوبه a été révélée sans la basmala. C'est pourquoi les scribes ont laissé un vide, un blanc entre elle et la sourate qui la précède, ça veut dire la sourate Al-Anfal, la sourate 8. La raison qui réside dans l'absence de la basmala dans la sourate Tawba, des sagesses, c'est une sourate qui annonce la fin de la trêve, hein, entre les musulmans et les associateurs. Bara'atun min Allahi wa Rasuli, des aveux de la part d'Allah, des aveux d'Allah et de son envoyé adressés aux associateurs. Il a commencé par la menace et l'épée. Or, la basmala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, cette basmala, il inspire quoi? Il inspire la paix. Miséricorde, hein, le tout miséricordieux, la rahma, hein, la compassion. Et la personne qui entend la basmala, il est rassuré. Mais ici, la sourate Tawba a été révélée pour menacer, pour dire au mouchrik, c'est fini, tu n'es plus en paix, il n'est plus question d'adorer tes idoles à la Mecque. D'accord? Donc, il est pertinent qu'elle ne commence pas par la basmala. Il n'a pas été révélé avec la basmala. Dans le mushaf d'Ibn Mas'ud, il y a 112 sourates, hein, parce qu'il n'y a pas mis les deux sourates al-mu'awwidhatayn. Ça, on a parlé de cette chouba, à savoir que Abdullah ibn Mas'ud n'a pas cité les deux qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas dans son mushaf personnel. Mais il s'agit que de son mushaf personnel, de ses mémoires personnelles. Va-t-on se fonder sur son mushaf personnel ou sur la qira'a qu'il a lui-même enseignée et qui est rapportée par des chaînes multiples de qurra? Il a enseigné aux gens les mu'awwidhatayn, les qira'at Hamza, les qira'at al-Kisa'i, les qira'at Asim ibn Abi Najud. Il remonte authentiquement à Ibn Mas'ud. Les chouyoukhs de ces trois sont des disciples d'Ibn Mas'ud et il leur a enseigné les mu'awwidhatayn. Donc, de toute façon, on a parlé de cette chouba-là. Dans le mushab de Ubay ibn Ka'b, il y a 116. C'est-à-dire la surat al-Hafd et la surat al-Khala'i. Ça, on en a parlé. Mais ce ne sont pas des surat, ce sont juste des deux invocations qu'il a mis dans son mushaf personnel. Bon. C'est d'ailleurs l'une des raisons que l'imam Malik a mis ces deux invocations, l'a mis dans le Qunut, du'a al-Qunut qui est après le Fajr, hein, que soutient l'imam Malik. L'ordre des surat repose-t-il sur un enseignement divin? Tawqifi, c'est-à-dire que c'est la révélation qui a déterminé l'ordre des sourates qui se trouve dans nos mushafs, ou est-ce que c'est le fruit d'une initiative personnelle de la part des compagnons? Il y a khilaf là-dessus. Premier avis, le tawqif, ça repose sur un enseignement divin. C'est que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est chargé de la classification des sourates. Il n'est mort qu'après avoir classé les sourates et les versets dans l'ordre que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est l'ordre respecté dans les mushafs de Uthman sur lequel les compagnons ont été unanimes. Ça, c'est le premier avis. La preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans la prière les sourates dans l'ordre que nous connaissons. Le Bukhari, il rapporte qu'Ibn Mas'ud a dit, ça c'est une tradition d'Ibn Mas'ud, il a dit « Inna bani Israël, wal Kahf, wa Maryam, wa Taha, min tiladi, wa hunna min al-itaq al-awwal. » Il a dit, Banu Israël, ça veut dire Isra, surat Isra, surat al-Kahf, surat Maryam, surat Taha sont les anciennes surates que j'ai retenues. Parce que c'était des surates mecquoises, ils ont été révélés à la Mecque. Et c'est l'essentiel. Ibn Mas'ud les a retenus. Ce sont les, et il a dit ce sont les plus anciennes sourates révélées. Ce qu'on peut tirer comme argument, c'est qu'il a cité ces sourates dans l'ordre que nous connaissons aujourd'hui. C'est dans cet ordre. L'Isra, le Kahf, Maryam, Taha, dans l'ordre, il les a cités. Deuxième avis, selon ce deuxième avis, l'ordre des sourates est le résultat du l'ijtihad des compagnons. La preuve qu'ils ont avancé est que les mushaf de compagnons, les mushaf personnels des compagnons diffèrent les uns des autres dans l'ordre des sourates. Le mushaf de Ali, il était classé selon l'ordre de la descente, de la révélation. Iqra, puis Al-Mudassir, Al-Mudassir, puis Al-Qalam, puis Noun, Al-Qalam, etc. Ibn Mas'ud, il a Al-Baqara, puis Nisa, puis Al-Imran. Dans notre mushaf, nous avons Al-Baqara, puis Al-Imran, puis Nisa. Mushaf de Bay ibn Ka'b, Al-Baqara, puis Nisa, puis Al-Imran. Al-Fatiha, Al-Fatiha, Al-Baqara, puis Nisa, puis Al-Imran. Et on rapporte, ça c'est une preuve sur laquelle il se fonde, c'est que Ibn Abbas a dit, il a dit, j'ai demandé à Uthman, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre côte à côte la sourate Al-Anfal, qui a moins de 100 versets, Mathani, et la moins de 100 versets, à la sourate Bara'a, qui fait partie des mi'in, des centaines, c'est-à-dire la sourate Bara'a, elle contient plus de 100 versets. Il a dit, vous n'avez pas écrit entre elles la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et vous les avez mis parmi les sept sourates longues. Les sept longues sont Al-Baqara, Al-Imran, Nisa, etc. jusqu'à l'Araf, et puis bon, l'Anfal et Bara'a. Il a dit, vous les avez classées parmi les longues sourates. Othman, radiallahu anhu, répondit, il a dit, parfois, la révélation tardait à venir, et parfois, le professeur recevait plusieurs révélations en une courte période. Et quand il recevait une révélation, il appelait des scribes et leur disait, mettez ce verset dans telle sourate, où se trouve tel et tel propos. Il dit, mettez ce verset dans la sourate, où se trouve tel et tel propos. Et il a dit, Al-Anfal fut l'une des premières révélations à Médine. Et Bara'a fut l'une des dernières révélations. Ces deux révélations se ressemblent, c'est-à-dire dans leur histoire et tout. Et l'envoyé d'Allah est mort sans nous donner de nette précision à leur sujet. C'est pourquoi je les ai mises l'une à côté de l'autre, sans les séparer par la basmala, sans les séparer par la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et je les ai mises parmi les sept langues. Ça, c'est une tradition, c'est un athar rapporté par Ahmed Abu Daoud et Tirmidhi. Ça, c'est le deuxième avis. Le troisième avis, l'ordre de certains sourates, certains, repose sur la révélation. Tawqifi. Tandis que d'autres sourates sont classées par les compagnons. Ce sont les compagnons qu'ils ont classés par le prophète. Il a dit, car, bon, selon cet avis, il y a des hadiths qui prouvent que les sept langues, sourates longues, sont dans l'ordre. Et les sourates qui commencent par Hamim sont dans l'ordre. Et le Mufassal ont été ordonnés du vivant du prophète. Parce que le prophète, dans certaines prières, il récitait le Mufassal du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire les sourates courtes, dans l'ordre. Et ça, c'est l'avis d'Ibn Hajar. Savoir que certaines reposent sur l'enseignement divin et l'autre sur un effort personnel des compagnons. Ça, c'est l'avis d'Ibn Hajar al-Asqalani. Alors, nous allons faire discussion des avis. Le deuxième avis, selon lequel le classement des sourates est un ijtihad des compagnons, ne repose sur aucun argument solide. Les mushaf des compagnons sont des mushaf personnels, faits avant que le Coran ne soit réuni. Et avant que le Coran ne soit classé de manière définitive. Quand le mushaf fut réuni à l'époque de Uthman, le mushaf officiel, Furini à l'époque de Uthman et que la communauté fut d'accord sur son contenu et l'ordre de ses sourates et versets, les compagnons avaient jeté leur mushaf personnel. Donc, ils étaient d'accord avec Uthman. Ils ont jeté leur mushaf personnel, ils ont suivi Uthman, donc ils sont d'accord avec cette classification, avec cet ordre de sourates dans le Coran, dans le mushaf uthmanien. Quant au hadith sur la sourate Al-Anfal et la sourate Tawba rapportée par Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi, la moindre chose qu'on puisse dire à son sujet est qu'il est daïf. Il est de faible autorité canonique. Et dans son commentaire du Musnad de l'imam Ahmed, l'éminent savant Ahmed Shakir, un grand savant du hadith, a dit « Innahu hadithun la asla lahu ». C'est un hadith infondé, c'est un hadith qui ne se fonde sur rien. Et le Cheikh Al-Albani le qualifie de da'if. Da'if sunan Tirmidhi. Donc il ne fait pas autorité, c'est pas un argument probant. On peut pas s'appuyer dessus. Hein? D'ailleurs, le contenu de ce hadith est réfutable. Car selon lui, la basmala se fait par un ijtihad. Par un ijtihad de Uthman. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Des hadiths authentiques prouvent que la basmala descend avec la révélation. Avec le début de chaque sourate. Et le prophète ne sait qu'une sourate n'est terminée qu'après qu'il reçoit, qu'après qu'il reçoive la basmala. Donc ce deuxième avis, il est réfutable. Le troisième avis, l'avis qui considère que l'ordre de certaines sourates a été dicté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que pour d'autres, l'ordre est le résultat d'un effort personnel. Ben, les savants qui soutiennent cet avis-là nous donnent comme preuve que les textes sur ce qui repose sur un enseignement divin, c'est-à-dire ils ne donnent que les textes où l'ordre repose sur un enseignement divin. Pour les autres, ils ne donnent pas de preuves, c'est-à-dire ils ne prouvent pas que l'autre ordre est purement le résultat d'un ijtihad de la part des compagnons. D'accord ? Ils ne donnent pas de preuves là-dessus. Et l'imam Zarkashi a dit qu'il s'agit juste d'un khilaf lafzi, c'est-à-dire il s'agit d'une querelle de mots, pas vraiment d'une divergence profonde. Hein? Il a dit parce que même ceux qui disent que l'ordre des sourates est le résultat d'un ijtihad de la part des compagnons, ces savants-là, ils soutiennent que ce n'est pas un ijtihad purement personnel, intellectuel, c'est-à-dire un effort intellectuel purement personnel, mais qu'ils ont sûrement reçu des indications, pas forcément une déclaration explicite, sinon ce serait un vrai tawqif clair, péremptoire, mais qu'ils ont ils ont reçu une indication que telle sourate est derrière telle autre sourate, hein, soit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a récités selon leur ordre dans la prière ou les a mentionnés dans des assemblées l'une après l'autre, etc. D'accord, donc c'est un khilaf apparent. D'accord ? Ça revient au même, en fin de compte. Parce que même ceux qui soutiennent que l'ordre n'est pas, que l'ordre de certains sourates n'est pas, ne se repose pas sur l'enseignement divin, ils disent, bon, qu'est-ce que vous entendez par là ? Hein ? Qu'est-ce qu'ils entendent par le fait que cet ordre ne repose pas ? Des fois, ils ne jugent pas que tel ordre ne repose pas sur la révélation divine parce qu'ils n'ont pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclarer clairement que telle sourate, il est derrière telle sourate. Mais ils ont pu entendre une indication, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité comme ça, sourate après telle sourate derrière telle sourate. Mais ils ne sont pas fondés là-dessus pour dire que vraiment ça c'est déterminé par la révélation, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités comme ça. De toute façon, le khilaf, comme a dit l'imam Zarkashi, est un khilaf, est une querelle de mots. Et c'est ce qui fait que l'avis, wallahu a'lam, l'avis qui dit que l'ordre des sourates repose sur un enseignement divin, tawqifi, hein, c'est le plus solide. Hein, c'est l'avis d'Ibn al-Hassar et l'avis d'Abu Ja'far al-Nahhas. Il a dit la vie d'Abu Ja'far ibn Zubair, la vie de Tayyibi, de Kirmani, l'imam Malik, et la vie d'Abu Bakr al-Anbari, c'est-à-dire des grands savants de l'ulum al-Qur'an. Et Suyuti, rahimahullah, il soutient que l'ordre des sourates repose sur un enseignement divin. Il a accepté, bon, l'exception, il a accepté la sourate Bara'a et l'Anfal. Il a suivi en cela l'imam al-Bayhaqi. Hmm? Il a accepté ces deux sourates en raison du hadith que nous avons cité tout à l'heure, à savoir la réponse de Uthman à la question d'Ibn Abbas. Et comme nous vous avons dit, ce hadith-là, il est da'if. Dans le moindre des cas, il est da'if. Sinon, il est vraiment très très faible. Et Suyuti, rahimahullah, a dit, ce qui prouve que cet ordre repose sur la révélation, c'est que les sourates qui commencent par Hamim, Al-Hawamim, ont été classées l'une après l'autre. De même les Tawassin, c'est-à-dire celles qui commencent par Tawassin. Hein? Alors que les Musabbihat, celles qui commencent par Sabbaha, Sabbaha Allah ma fi samawati wa ma fi al-ard, yusabbihu Allah ma fi samawati wa ma fi al-ard, subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram, les Musabbihat qui commencent par Sabbaha ne se succèdent pas. Mais ils ont été séparés par d'autres sourates, entre la sourate l'Isra par exemple, sourate 17, et sourate l'Hadid qui est une Musabbiha, la sourate 57, il y a 39 sourates. Entre deux Musabbihas, il y a 39. Celle-ci, la sourate l'Hadid, la sourate le fer, elle est séparée de l'autre Musabbiha qui est la sourate l'Hashr par la sourate l'Mujadala, hein, etc. Entre la sourate Taghabun et l'A'la, il y a 22 sourates. Donc, Suyuti, il a dit, si l'ordre était le résultat d'une initiative personnelle, les Musabbihat auraient été classées l'une après l'autre. Et la sourate Naml Tawassin viendrait après la sourate Shu'ara et la sourate Al-Qasas. Il y a la sourate Shu'ara, Tawassimim, puis sourate Naml, Tawassin, sans le mime à la fin, et puis sourate Al-Qasas, Tawassimim. Il a dit si c'était l'effort, le résultat d'un effort personnel, les compagnons auraient mis Tawassimim Shu'ara la première, Tawassimim Al-Qasas la deuxième, et enfin Naml, les fourmis. Mais là, ils ont mis la sourate les fourmis entre les deux. Et Abu Bakr Al-Anbari, rahimahullah, il est strict là-dessus. Il a dit Fattisaqut Suwari Kattisaqil Ayati Wal Huruf. Il a dit l'ordre des sourates, l'ordre parfait des sourates, cet agencement, est aussi parfait que l'ordre des versets. Kulluhu anin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit tout provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faman qaddama suratan aw akharaha faqad afsada nazma al-Qur'an. Il a dit celui qui change la position d'une sourate, que ce soit en avant ou en arrière, celui-là a d'ores et déjà corrompu la structure du Coran. Il a perturbé l'ordre du Coran. Il parle en connaissance de cause. Hein? Il fait allusion aux liens de correspondance entre les sourates. Chaque sourate a des liens de correspondance entre celle qui la précède et celle qui la devance. Les liens de correspondance, ilm al-munasabat est devenu un ilm, une science du Coran. Hein? C'est une science qui exige beaucoup de méditation et de grandes connaissances. Hein? En exégèse, en rhétorique, en langue arabe, en philologie, hein? les compagnons ont parlé, ils recommandaient pour comprendre un verset, de lire le verset qui est avant et de lire le verset qui est après. Mais c'est le cheikh Abu Bakr al-Nisaburi qui est le premier à parler de cette science, à en parler. On parlait de munasabat, les liens de correspondance, de manière plus précise. Et ensuite, bon, Burhanuddin al-Buqa'i, qui lui a consacré un livre, « Nadam al-Durar fi tanasub al-ayy wa al-suwar », Suyuti lui-même, il a fait un livre là-dessus. Ibn Zubair al-Gharnati, il a fait aussi un livre là-dessus. Ibn al-Arabi al-Maliki, l'imam Zamakhshari, Abu Bakr al-Baqillani. Bon, c'est une science qui n'est pas donnée à tout le monde, hein, pour les savants qui... C'est réservé aux savants qui ont du goût, qui goûtent le sens du Coran. Hein. C'est une science qui met en évidence un des aspects de l'Ijaz, de la prévalence de la prévalence du Coran à travers les liens de correspondance entre les versets et entre les sourates. Hein. Plus on pénètre les subtilités merveilleuses des liens de correspondance, ben plus on se rend compte qu'il est impossible que l'ordre des sourates soit le résultat d'un ijtihad. Hein? Il est impossible qu'il soit le résultat d'un ijtihad pur et simple des compagnons. Hein? Et qu'on prouve que l'ordre des sourates était connu du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le hadith suivant. Hadith de Wasil ibn al-Asqa. Et il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « U'atitu makana al-tawrati sab'a al-tul » ou « sab'a al-tawal » « U'atitu makana al-tawrati sab'a al-tawal » J'ai reçu à la place de la Torah les sept langues. Langues, c'est-à-dire les sept sourates langues. « U'atitu makana al-zaburi al-mi'in » J'ai reçu à la place des psaumes de David les centaines, c'est-à-dire les sourates qui comportent une centaine de versets. وأعطيت مكان الإنجيل المثاني et j'ai reçu à la place de l'évangile les mathani. Les mathani ici sont les sourates qui ont moins de 100 versets. وفضلت بالمفصل et j'ai été privilégié par la révélation du fragmenté. Le prophète est le seul à recevoir le fragmenté. Fragmenté c'est les sourates courtes. Hein, c'est un hadith rapporté par Tabarani dans Tafsir et Tayalisi et aussi Tahawi dans Mushkil al-Athar. Il est authentique. On le trouve dans ces hadiths Sahiha et dans Sahih al-Jami' de l'imam du Sheikh al-Albani, rahimahullah. Donc, quatre parties connues des gens du science. Les sept sourates langues, At-Tawl, As-Sab'a At-Tawl, Sab'a At-Tawal, ça veut dire Al-Baqara, Al-Imran, Nisa, Al-Ma'ida, hein, l'An'am, l'A'raf. L'A'raf, l'Anfal et Tauba. Ça veut dire l'Anfal et Tauba constituent une seule. Hein? Donc ça, on les appelle Sab'a Tawal, les sept, les centaines. Et ils ont plus de 100 versets. Hein? Les Mathani viennent après. C'est-à-dire, les Mathani, c'est de Surat Yunus jusqu'au Tawasim. Jusqu'au Tawasimim, jusqu'au Qasas. Hein? Jusqu'à l'Qasas. Enfin, bon, le Mufassal, c'est qu'il commence par Surat Qaf. Ben, selon certains savants, il commence par Surat Al-Hujurat. Hein, ou la Surat Muhammad. Il y a divergence là-dessus. Bon, les Marocains, les Maghariba, ils commencent leur Mufassal par la Surat Muhammad. Hein. On l'appelle le fragmenté, comme je dis, parce que les Surat, ils sont courtes. Hein. Ils comportent beaucoup d'interruptions par la basmala. Bon, nous allons passer inchallah au ayat, l'aya, la définition de l'aya, l'aya verset. Alors dans son emploi d'origine en langue arabe, l'aya veut dire soit un signe qui distingue une chose des autres et qui indique qu'elle est parfaite dans son contexte, ou la chose même qui se distingue en soi par sa perfection des autres choses. Hein. Dans le nom Aya, il y a la notion d'indication, il y a la notion de distinction et de perfection. Aya, parfait. Se distingue. Et Aya aussi, alama, un signe. Hein. D'accord ? وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, leur prophète leur dit, le signe de son investiture ou de sa royauté, la royauté de Talut, c'est l'histoire des fils d'Israël quand ils ont demandé à un prophète, un de leurs prophètes, de leur désigner un roi pour qu'ils s'engagent dans le jihad et combattent pour la cause d'Allah et défendent leurs biens et leurs honneurs. D'accord ? Donc, leur prophète, qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il a dit, إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ leur dit, le signe de son investiture, de l'investiture du roi, hein, de Talut, sera que le reliquaire, c'est-à-dire un coffre, viendra vers vous, porté par des anges, et contenant une grande paix de la part de votre Seigneur, ainsi que des reliques de ce qu'ont laissé la famille de Moussa et la famille de Haroun. Aya, c'est un signe distinctif. Le signe ici, آية ملكه le signe de sa royauté, le signe qui prouve qu'il a été désigné comme roi, c'est un coffre comportant l'héritage de Moussa, les tablettes de la Torah, les reliquins de la prophétie, le bâton de Moussa, afin que les fils d'Israël voient ce signe et croient que la royauté de Talut a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans son définition conventionnelle, certains savants, ils ont dit c'est une partie du Coran composée de phrases qui peuvent être entières ou sous-entendues, se trouvant dans une sourate et se distinguant du passage qui la suit par une lettre appelée Rawi. Rawi, c'est la fin du chaque verset. C'est une lettre qui se répète. Inna atainaka al-kawthar, le Rawi, c'est le Ra. Fassalli li rabbika wanhar, le Rawi, c'est le Ra. Inna shani'aka wal-abathar, là aussi c'est le Ra. Alhamdulillah rabbil alamin, le Rawi ici c'est le Noun. Ar-Rahman ar-Rahim, le Rawi ici c'est le Mim. Mais je préfère la définition suivante. L'aya est un ensemble de lettres dont le début et la fin sont déterminés par la révélation. C'est-à-dire, l'ayah est une unité de la sourate. Pas pour ceux qui disent composé de phrases, et parce que bon, il y a des versets où on ne trouve pas de phrases, comme Alif Lam Mim, c'est un verset, selon certains qira'at. Alif Lam Mim Sad, Hamim, c'est un verset, à part, c'est-à-dire bien numéroté. Et dans cette définition, c'est-à-dire que qui définit l'ayah comme étant un ensemble de lettres dont le début et la fin sont déterminés par la révélation, dans cette définition on trouve la notion de distinction, un verset qui distingue du verset qui le suit, et aussi d'indication, c'est une preuve de la sincérité de celui auquel l'ayah a été révélée, et c'est un signe de perfection, elle est parfaite, c'est preuve de la précédence du Coran, d'accord. Donc, voilà concernant la définition de Aya. Le nombre de versets maintenant. Il existe des hadiths qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du mérite de la récitation d'un nombre déterminé de versets. Il citait certaines sourates avec leur nombre de versets. Les compagnons parlaient aussi du nombre de versets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la Fatiha se composait de 7 versets, que la sourate al-Mulk se composait de 30 versets, une sourate qui a intercédé en faveur de celui qui l'a récité, etc. La sourate al-Mulk, il a dit, comporte 30 versets. Il a récité les 10 derniers versets de la sourate al-Imran, il a précisé le verset par lequel il a commencé. Il a dit, j'ai reçu cette nuit des versets. Il a dit, malheur à celui qui les a entendus, qui ne les a pas médités. Il a dit, inna fi ikhtilafi al-layli wal-nahari, inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wal-nahari la'ayatin li uli al-albab. Les 10 derniers versets de sourate Al-Imran. Il a dit 10 derniers versets. Il a parlé du mérite des 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'intéressait au nombre des versets, les compagnons aussi. À quoi ça sert de connaître le nombre des versets et les limites d'un verset? Y a-t-il une quelconque utilité? Dans cela, la réponse est oui. La connaissance du waqf, déjà, l'une des utilités, les sagesses de la connaissance du nombre des versets, c'est la connaissance d'abord du waqf, de l'arrêt. Ça, nous en avons parlé. La meilleure récitation est celle où on s'arrête à la fin de chaque verset. C'est celle-là, la sunna prophétique. Or, il faut connaître donc le début et la fin de chaque verset pour respecter cette règle du waqf. Là où il faut s'arrêter, là où il faut faire une pause silencieuse. Ça, c'est l'une des sagesses. Elle a une utilité en rapport avec la prière. Parce que les madhabs, certains madhabs, le madhab hanafite, par exemple, ils ne considèrent pas la récitation de la Fatiha comme une condition de la validité de la prière. Il ne considère pas la Fatiha comme une condition de la validité. Mais il exigeait la récitation d'un passage du Coran. Ils arguent en ce sens, les hanafites, du verset « فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ » Récitez ce que vous pouvez du Coran. Dans Surat al-Muzzammil, il se base sur ce verset-là pour dire que le Fatiha n'est pas obligatoire, mais il faut réciter une partie, un extrait, un passage du Coran. Combien doit-il réciter? Ben, ils disent un verset, au minimum un verset. Donc, s'il récite moins d'un verset, selon les hadafites, sa prière est nulle, elle est invalide. Donc, cela nécessite la connaissance des limites d'un verset, parce que si le fidèle récite le verset du Dayn, ayat Dayn, يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا هذا سورة le dernier verset de سورة البقرة. Vous savez là, c'est un verset qui est long. Il doit le terminer. Parce que s'il récite, il dit يَا أَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَيَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّنْ فَاكْتُبُوهُ. Et puis il fait le recours. Il dit, oh vous qui croyez, lorsque vous faites un contrat pour une échéance déterminée, écrivez-le. Et il fait le recours. Il s'arrête à فَاكْتُبُوهُ. Sa prière est invalide. Parce que c'est un verset incomplet. Il faut qu'il continue jusqu'à وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. C'est toute une page. C'est un verset qui prend toute une page. Donc, il doit connaître les limites du verset. Donc, ça a une utilité fiqhiyya du point de vue jurisprudentiel. Et il a une utilité, la connaissance du nombre a une utilité en rapport avec le khutbah, le prône. Tous les madhabs soutiennent que l'imam doit réciter dans sa khutbah un verset entier. Donc, l'imam qui fait la khutbah, au moins il doit réciter un verset. Donc, s'il récite moins d'un verset, là, il commet une erreur. Et ça, il touche une des conditions de la khutbah. Et comme autre utilité, c'est que le prophète sallam a assigné à un nombre déterminé de versets une récompense précise. Comme dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Omar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite dans la prière du Qiyam 10 versets ne sera pas inscrit parmi les rafilines, parmi les indifférents. Man qama bi 10 ayatin lam yuktab min al-ghafilin. Celui qui récite dans la prière du Qiyam 10 versets ne sera pas inscrit parmi les indifférents, les insouciants. Man qama bi 100 ayat kutiba min al-qanitin. Celui qui récite dans la prière du Qiyam 100 versets sera inscrit dans le registre des obéissants à Allah. وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ. Celui qui récite dans le Qiyam 1000 versets sera inscrit parmi ceux qui ont à leur actif un quintal de bonnes actions. Hadith apporté par Abu Daoud. On le trouve dans le Sahih al-Jami', qualifié d'authentique par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc la connaissance du nombre est utile, contrairement à ceux qui prétendent qu'ils ne comportent aucun intérêt. Là, je vous ai donné certaines sagesses. Inch'Allah, je m'arrête ici et je continue la prochaine fois, Inch'Allah, sur le nombre des versets, leur recensement. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.